Cartographie des mémoires, Agaris. Nous portons quelque chose de notre enfance en nous et parfois le transmettons à nos enfants à notre tour. Comme une sorte d'ADN codé, fait de souvenirs joyeux ou douloureux, espoir, étonnement, toutes les choses à partir duquel nous nous construisons. Le mystère qui me préoccupe, c'est quelle part de Rosalie mes enfants porteront en eux. Elle qui avait réponse à tout, j'aimerais qu'elle soit là et qu'elle m'explique pourquoi l'odeur des lauriers me fait sursauter. Je veux savoir comment Rosalie la sorcière est la racine de mes branches et comment elle vit en moi. Pas seulement dans mes souvenirs, mais aussi dans mes fruits. Tu vois, les arbres vivent en famille, soignent ceux qui sont malades et se préviennent des dangers via une sorte de réseau social basé sur la communication fongique, le World Wide Web. Un arbre n'est pas une forêt. Il ne peut à lui seul créer des conditions climatiques équilibrées. Il est livré sans défense au vent et à la pluie. À plusieurs, en revanche, les arbres forment un écosystème qui modère les températures extrêmes, froides ou chaudes, emmagasine de grandes quantités d'eau et augmente l'humidité atmosphérique. Dans un tel environnement, les arbres peuvent vivre en sécurité et connaître une grande longévité. Pour maintenir cet idéal, la communauté doit à tout prix perdurer. Si chaque individu ne s'occupait que de lui-même, nombre d'entre eux n'atteindraient jamais un grand âge. Une forêt comme une communauté. Comme Agaris. Enfin, je me souviens avoir construit une petite cabane à oiseaux. Je ne me souviens plus exactement dans quel arbre je l'avais accroché, mais c'était un de ceux-là. Je passais des heures entières à regarder les mésanges attraper de la nourriture et s'envoler pour les cacher. Comment font-elles pour se souvenir de toutes leurs cachettes? Combien de graines cachées à combien d'endroits différents? Quand arrive l'hiver, le cerveau de la mésange ressemble à une carte au trésor criblée de croix à hauteur d'arbre, et sa survie dépend de sa mémoire, de sa capacité à se souvenir. Rosalie avait su s'orienter jusqu'au bout dans sa maison. Elle savait encore comment rejoindre une pièce à l'autre de la maison, même si elle trouvait une porte fermée à clé sur le chemin. Au fil des décennies, elle avait fini par faire corps avec sa maison. Et si on l'avait autopsiée, sans doute aurait-on retrouvé un plan de cheminement d'après le réseau de ses vaisseaux sanguins. Un peu plus loin, près du petit ruisseau, nous allions jouer avec les autres enfants. Héraclite assimile le temps à un fleuve qui coule, dans le sens où on ne peut pas se baigner deux fois dans le même fleuve, justement parce qu'il coule, mais aussi parce que quelque chose change en nous à tout instant. Et cette chose, c'est le temps. Car à tout instant, nous vieillissons, nous nous enrichissons d'un vécu et d'une expérience plus vaste, ou au contraire, nous oublions une partie de notre vécu antérieur. En tout cas, nous changeons.